Oh Mimi, je te dédie cette chanson. Mimi Rouillon, dit Prévost. Gilles Boté à Tano, Catherine Nga, moi na Belgique, na Koko Kate, na Zangayo, moi na vraiment na komi perdu, na Lingi na Yeba, na Nyabota yo, na Yeba Bukwa, na Langwe yo, fais semblant d'avoir besoin de moi, fais semblant de me mégati. Tonto Aimé Abilio, Inana Maman Tembo Malembe, Kobuke Miku Ate, Nathalie Degré a passé na komi nango, na sali tentative suicide, na loti ndoto emo rêve kati, o la lisi moto na lipe kananga, o lobinga Romi yo Juliette, e bandele a conte de fe yanga ina yo. Yo solo na baby, record du monde tikanga wa yo mawa, na ba wiete chérie adieu. Ah yo yo yo yo, hasta la vista. Fidel Pia, Monte Malizette Mitea, Rochelier Boya, Mukuba Siala, la Chartre. Marie Moussoso, hein? Eric Mafuta, Michel Oukadi. Katia Salano Kio Songa, Naiwa yo solo na baby. Record du monde, Tikanga wa yo mawa. Naba oubliette, chérie, adieu. Ah, yo yo yo yo, hasta la vista. Roger Isso et Melolinga. Patrick Zoïba, Katrina Keye, Alewawa, adios mi Joseph Kongolo, Nakatia Washington, Yaseo, Papa na Megan, Rose Daya. Oh Katie, Mama Sabrina, Mama David, Mama Natasha. Boma, non, Beko Boma. Oka, Oka, merci à Jossa. Tu es et tu resteras le plus fort. Oh Gaël, oh Fanny, Rosendaya, Hollande, Charlie Moussoso, Yamotema. Bana bandale.